Je veux plus sentir l'odeur du beurre de micelle sur des coquillettes. Cœur froid comme les larmes d'une mère sur paupière. J'ai pris des coups de tatane, vu plus coup de gueule que coup de cœur. Présent et doux quand je ressens le goulière. Paire de couilles grosses et lettres comme les paires de goulières. Ma peau de toubab rougit en hiver comme les yeux de ma banquière. Ou bien de ceux qu'on enferme. Pour le jour où on m'enterre, ce sera Salifé Niro en PO. Pas pour le plaisir de Kécho, mes basses qui m'ont plus appris que tous les cours d'éco. De gestion ou de techno qu'on a pu nous rabâcher. Coule sur moi comme de l'étain sur la chaise arachide. T'as 13 ans, c'est bien d'être furieux. T'es un suceur si t'es curieux. Je rejoue l'immigration inversée à ma sauce quand je fais les mafés de puate, tomate, beurre d'arachide. Les CSP plus foot dans le pif. Le salaire de la honte d'un gamin qu'on empiffre. Y'a des gifs qui se perdent, y'a des baffes qui se méritent. Bibi de la brune pour un survêtement de l'Atlético. Cacher la blanche ou le Golchonero, moi je trouve pas ça terrible. Je gonfle comme Derrick ou Maigret. Je pense comme Ellie ou Aimé. Lyricalement, je suis bien perché. J'attends que la gloire vienne me chercher. J'ai bien de la chatte, je suis adopté, mon daron m'a choisi. À moitié belge comme le Congo Zaïre. L'autre moitié, je tèche, c'est à moi de la construire. Hey, tu me vois venir? Je marchais une heure et demie, là je rentre d'un bar à pâte. J'écoute l'odeur du vent, nique à Uber un hit. Je lance un Joule type beat, faut que je me défonce à fond. Je vais pas grandir assis. Tu vas pas grandir assisté. C'est vrai qu'elle est belle ta cité, mes idoles sont cheatées. J'aime des artistes alors j'évite de les croiser. Évite de croire que c'est pas fait pour toi. Je bois de la marée dessous, je mange des Madoussa. Pas besoin d'ascenseur vu qu'on agace à ma bagarre de collège à coups de canette basse. Jean-Edouard m'appelle Canal Sat. À cause de la forme de mes oreilles, aujourd'hui je m'en balais que je suis mignon et drôle. Le pire c'est que je m'en branle. Celle que je voudrais le plus souvent m'ignore. On parle pour moi sans que je l'ouvre comme un ventriloque. J'coute noir fluo comme un stabilo boss. Gratter, gratter plus qu'un daron au bingo pour que ma gloire soit dorée comme staphylocoque. Je fais des rêves où j'ai frontal en tête. Cherche mes rêves môme à la morgue. Le jour où j'ai les chevilles qui enflent, je remets les Reebok pump à la mode. Je veux me sentir partir pas arriver, je suis réel. Si j'ai plus de batterie, j'ai des idées, nickel. Je veux toucher les gens plus que je touche mon 5S. Des chèques du bois, des espèces ou les Aztèques. La poisse colle à la semelle, c'est peut-être à cause du gîte que t'as sous tes ongles. J'ai pas encore vu le succès, j'ai senti que son ombre. J'attends qu'ils me regardent, ils ont vu que mon nom. Pour l'instant c'est l'idée, transformer mes rêves en objectifs. Je mélange le bonheur, les sacrifices. J'élève une carrière comme je ferais grandir mon propre fils. Je finirai le cœur propre et les mains sales. Tout ce qu'il faut pour me plaire. Je fais que regarder autour de moi. Y'a tout ce qu'il faut pour se perdre. Je veux remplir mon cœur et celui de mes proches. Avant mon compte, une salle ou un stade. Rien ne tombe du ciel à part la pluie. Ça leur donne des occasions de se plaindre. Je finirai le cœur propre et les mains sales. Tout ce qu'il faut pour me plaire. Je fais que regarder autour de moi. Y'a tout ce qu'il faut pour se perdre. Je veux remplir mon cœur et celui de mes proches. Avant mon compte, une salle ou un stade. Rien ne tombe du ciel à part la pluie. Ça leur donne des occasions de se plaindre. Je finirai le cœur propre et les mains sales. Tout ce qu'il faut pour me plaire. Je fais que regarder autour de moi. Y'a tout ce qu'il faut pour se plaire. Je veux remplir mon cœur et celui de mes proches. Avant mon compte, une salle ou un stade. Rien ne tombe du ciel à part la pluie. Ça leur donne des occasions de se plaindre.